Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou. Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est fou pour la semaine du 12 au 18 novembre 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est Alexandra Carignan. Salut, Alexandra. Salut. Ça va? Oui. Oui. Ben avec oui. Une hésitation, mais oui, attends un peu, je vais vérifier oui. Ben non, mais tu sais, mettons, là, ça fait genre plusieurs émissions que j'anime et que j'ai une drôle de voix parce que j'ai comme une grippe. Ouais. Ben finalement, c'est une pneumonie. Oh non! Rien de moins! Oh! C'est dans mes plates, ça. Fait que, ouais, c'est ça. Ben éventuellement, ça va se terminer. C'est ça la bonne nouvelle. Prends rétablissement, ça veut dire que tu vas t'étouffer une fois de temps en temps pendant l'émission d'aujourd'hui? Ça devrait peut-être. Ouais. On va le souhaiter, ça va faire de la bonne radio. Ben oui, c'est ça. J'aime ça. Donc aujourd'hui à l'émission, on va avoir la visite de DJ Cathardi, évidemment, pour sa merveilleuse chronique musicale. On va aussi avoir les instants classiques d'Assemblage requis. Mais cette semaine, c'est spécial. Non seulement on a un super size instant classique gigantesque, beaucoup super trop gros. Size. Ouais. Mais en plus, on a un featuring d'un moment vraiment très, très, très long en compagnie de David Ferron, qui était délicieux cette semaine. Pas David, le moment. Mais attends. Pas de, ouais. Le moment était délicieux. Le moment était délicieux. C'est un genre de radio-roman des plus rocambolesques. J'ai hâte d'écouter ça. Moi aussi, j'ai hâte de revivre ça, je te dirais. Et puis, évidemment, la section ailleurs dans les palmarès. Donc, c'est dans l'émission d'aujourd'hui. On va savoir d'ici la fin de l'émission si nos numéros 1 sont toujours du côté francophone Gros Méné avec Vénus. Et du côté anglophone, le numéro 1 de la semaine dernière était White Horse, The Devil's Got a Gun. Et qui est bonne cette chanson-là. J'espère que c'est encore au sommet. Je sais pas, hein. Je voudrais pas avoir le cœur brisé, là. Moi, je vous dis ça de même. Mais d'après moi, là, c'est pas les mêmes numéro 1. Oh, spoiler alert! D'après moi. Et agace. Je sais. Par contre, on a 4 nouvelles entrées cette semaine. En fait, je dis par contre, mais c'est pas vraiment par contre, parce que par contre, ça voudrait dire que ça va à l'encontre de ce qu'on disait avant. Ça comme par rapport comme phrase, mais bon. Donc, on a 4 nouvelles entrées, entre autres Mother Mother, Run the With the Kittens et Keith Kunam. On va débuter en 20e Franco. 20e Franco avec Trio et Lady La Fée. Au palmarès, c'est fou pour un bon 3 heures d'excellente musique dans vos oreilles. C'est comme une playlist sur ton iPod, mais à radio. Dans le temps, c'est de même, ça marchait dans le temps. Ah ouais. Radio. Old school. Old school style. Bonne émission. Cette chanson, elle est pour toi, ô grande sœur, petite reine, grande patronne malgré toi, ô petite main souveraine. La fée qui dit oui à la vie, elle promène dans La Rochelle le fantôme de sa maladie, qu'on s'aimera dans les ruelles. Alors en souvenir de toi, là sur le port de La Rochelle, des milliers à tendre les bras, à faire trembler la citadelle. Des milliers à refaire le monde, souffle le vent sur la nacelle. Tu viens remonter sur ta plume, et toi tu joues les immortels. La vie, la la vie, la la vie, la fée. La fée, la fée, se parle. La vie, la la vie, la la vie, la fée. Fais jouer la vie entre ses toits. De Lille à Paris, La Rochelle, pour la nounou, pour la mama, la petite fée, la coccinelle. Car nous c'est les copains d'abord, les indiens dans la fourmilière. Les douces sœurs gis sur le bord, crains de folie, crains de poussière. C'est mon hommage de ton vivant, là sur le bord de La Rochelle. Ça doit faire drôle, c'est déroutant, et tu souris sous ton ombrelle. On chantera à mille voix, et la vie nous sera facile. Non, la faucheuse t'aura pas, nous on t'embarque sur notre île. La vie, la, la vie, la, la vie, la fée. La fée, se parle. La vie, la, la vie, la, la vie, la fée. Fais jouer la vie entre ses doigts. La vie, la, la vie, la, la vie, la fée. La vie, la vie, la vie, la vie, la fée. Fais

yourself a little wicked fang. Bit by bit, I'm gonna get my bricks out in the sticks. Bit by bit, I'm gonna build my house in the wildest thickets. I'm gonna get away from all those miles and my shit. I'm gonna say goodbye to all the la-di-da-di-da-di-da-di-da. Mother, Mother, et la pièce Bit by Bit, c'est de la redondance, c'est du tout le temps la même affaire, et du, je me répète, hein? Mother, Mother, Bit, Bit, Peter, Peter, t'as que ça? Mother, Mother, Bit by Bit. C'est nouvelle entrée en 19e place anglophone. Et juste avant, on a entendu Kid Kuna avec Pas de panique, une numéro 19 francophone, nouvelle entrée d'ailleurs. Tu vois, lui aussi, pas de panique, pas de, pas de, pas de, pas. Pas de, pas de panique. C'est comme un fusil laser, là. Piu, piu, piu. Je peux te le donner. Okay. Avançant en 20e anglo, on a entendu une autre nouvelle entrée, celle de Run With The Kittens, Weight Of The World, sur l'album Letter From Camp. Et on a débuté le tout avec Trio et Lady Lafay, une nouvelle entrée, 20e place francophone. Mm-hmm. Et comme toujours, avec nos nouvelles entrées, on va un petit peu donner un genre de semi-verdict de la date, comment on trouve ça. Moi, je dirais que Mother Mother, j'ai toujours adoré, et il va falloir que je m'habitue à cette pièce-là, parce que j'aimais beaucoup leur précédente, Businessman. Ah, fait que là, t'as un petit... Un parti pris. Ouais. En même temps, Mother Mother, c'est sûr que c'est tout le temps bon. Toujours gagnant. Run With The Kittens, c'est la deuxième fois que j'entends. Je m'habitue tranquillement pas vite, mais encore une fois, je me rappelle d'une pièce de Run With The Kittens d'il y a plusieurs années de ça. En fait, plusieurs pièces de Run With The Kittens que j'aimais beaucoup. Encore une fois, les attentes sont fortes. Vraiment fortes. Puis c'est pas, à date, c'est pas encore... La barre est haute, mais c'est pas encore atteint. Ça va s'en venir un jour. Toi? Trio, c'est sûr que c'est une valeur sûre. J'allais adorer Lady Lafay. Mais pour moi, c'est une valeur sûre. Ouais, moi, tu vois, Trio. Ah, c'est ça, moi, c'est moi. Vois. Puis Kid Kuna aussi, là, j'aime bien ça. J'ai l'air très négatif, mais encore une fois, Kid Kuna, mais... Écoute, moi, je suis plus franco, hein, on va se dire. De ces temps-ci, je suis pas mal anglo, on dirait. Je sais pas pourquoi. Donc voilà, on va réentendre ces pièces-là la semaine prochaine et on va essayer de faire grimper ça comme toujours. On va aller entendre un autre bloc de deux positions, c'est-à-dire quatre pièces. On va en sauter une par contre. On doit sauter par-dessus la 18e place, c'est francophone. Amélie, avec La Fête qui descendait de 10 places. Ben oui. Ça, c'est ta préférée, Amélie. C'est ma préférée, mais c'est pas grave. J'ai d'autres préférées là, dans le palmarès francophone. On va pouvoir piger dedans. Ah ben, une chance. On va entendre plus tard dans le bloc Bio Bazar et The Vaccines, mais on va débuter en 18e anglo. 18e anglo avec Hunter Valentine, avec Liar Liar. Ah, des gens qui mentent, moi... Je leur fais pas confiance. Mais non, mais Hunter Valentine, pardon. Valentine. Yeah. Très bon. Yeah. Deuxième semaine au palmarès. Oui, et c'est pas leur premier album. Je sais qu'on a déjà eu du Hunter Valentine dans le palmarès, dans le bon vieux temps. Là. Je vais me renseigner sur quel album c'était. Donc, Hunter Valentine, Liar Liar au palmarès, c'est fou. Et ça, ben, c'est juste pas un mensonge. On vous ferait pas ça. Ben non. Oh! You said we keep this back forever. Like we've laying your curse from the start. You had your hands inside my pockets, taking away everything I own. I keep my mind straight, keep my mind straight. I keep my mind.

The Vaccines et No Hope. Position numéro 17, ça monte de 2. C'était nouveau la semaine passée, avant d'entendre Biobazar et Skyfish qui descend de 7 places, mais qui est là depuis 7 semaines, donc ça va devoir à un moment donné quitter. Avant ça, on a entendu Hunter Valentine avec Liar Liar qui monte de 2. C'était nouveau la semaine passée. On a débuté avec Amélie qui date quand même d'il y a 6 semaines, mais qui descend de 10 places sur l'album Le Royaume. Tout à l'heure, on aura Dumas, Stars et Hot Panda, mais maintenant, tout de suite, là, là, c'est les instants classiques. Voici les meilleurs moments de la semaine du 12 novembre 2012. Do, ré, mi, gel, au sol, acido, gel, au sol, acido. Mais je pense pas qu'il y a long chaud après-midi, par exemple. Il y a long genre 14, 15 ouais, degrés, c'est, je sais pas c'est bizarre, parce qu'à matin, comme tout est gelé. Hein. Ben, ça glisse, ça t'aère pas mal. Ouais, ouais, ça glisse. T'essaies de courir pour essayer de te rendre dedans à l'émission. Puis ça glisse, ça glisse, ça glisse. T'as pas tombé? Non, non. Non. Tes fesses sont propres? Oui, ben... Bien t'es? Au début de l'émission, je ne me suis même pas demandé si ça allait bien. Si, ça va bien, ça va bien, toi? Ouais, ça va bien. Bon, ouais. Pas mal de ça. C'est dit, hein? C'est dit. Bon. On peut passer à autre chose. Yes. Bye, François. Bye, bye, Mathieu. Bye, Alex. Bye. Bye, bye. Bye, Guido. Les requins? Ah, ah. Les dents, c'est des dents de requins. Non? C'est pour. Ben, peut-être. Ok, arrête là. Ouh, ouh, ouh, j'essaie de faire du vent. Ouh, ouh, ouh. Hey, m'en suis même pas aperçu, moi, cette nuit. Ouh, ouh, non. Non. François. Mais mes chats, ils ont comme volé au vent et mon barbecue a voulu déménager, on dirait. Pas ton beau barbecue. Ouais, ouais. Écoute, mais il a venté beaucoup, à ce qu'il paraît. C'était incroyable, sérieusement, on se croyait dans un ouragan Sydney. Je dors tellement dur, là. Une bûche, toi. Une bûche? J'ai rêvé à toi, Matt. Ah, oh, ouais? Ouais. Ah, ben, j'espère que c'est pas habillé, trop... Okay. Puis, ça me fait peur un peu, là. Tu flattes un chat. Ah oui? Oh, mais c'était réaliste, en tout cas. Maxime Tanguay. Hey, moi, j'ai envie qu'on fasse ta chronique. Tu pourrais la faire dans le rôle d'un gars qui est en train de s'étouffer, mettons. Ah oui. Mettons, ça pourrait être comme un rôle de composition pour un gars qui a peut-être un rhume. Écoute, ou un rhume. Ben écoute, attends un petit peu, là. Pas facile. Aïe, c'est quoi dans ce band? Et je déteste tellement le Twister. Colin, comment ça? Ouais, là, come on. Ben, come on, en effet. C'est mettre de l'autre bord. Pas rapport, ça? Non, c'est pas du tout, non. Ben, pied gauche, vert? Non, pas du tout. Non? Bon, tant pis, hein. Au bout de ça. Bon. C'est ça. Zone Campus, yay! Zone Campus, il n'y a pas vraiment de jeu de mots plate à faire. Ben, il y en a plein. On les fait hors onde. Zone Prépuce, puis ça fait longtemps. On fait ça hors. Non, non, non, non. Dis pas ça, dis pas ça. Je sais, mais je l'ai pas fait. Je suis déplacé aussi. Tu disais que c'était comme un anniversaire aujourd'hui. Oui, hey, tu fais bien de me le rappeler parce qu'on m'a mis. Attends un peu, là. C'est toi qui me l'as dit et c'est moi qui te le rappelle. C'est ça, c'est okay. Même ça marche dans la vie. Donc, oui, c'est bon, l'anniversaire de mariage. De mariage? T'es même pas marié. Non, anniversaire de couple. Donc, t'as pas fait l'amour. Parce que t'es pas marié. C'est ça. On est. Et ce soir, tu feras pas l'amour parce que t'es pas marié. C'est ça. Ou pour une autre raison quelconque que je garde secrète. Non, c'est ça, 5 ans aujourd'hui. Je pense que c'est pas vraiment ce que vous voulez que je dise en nom. Fait que peut-être que c'est. Non. Ça écoute, on va refaire l'intro, OK? Hey, bon matin et bienvenue à Sondage Requis en ce jeudi 15 novembre 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, c'est François Olivier. Et je souhaite un très bon 5e anniversaire de couple à ma copine Marie-Ève et moi. Félicitations. Merci. Écoute, je suis sans mots ce matin. C'est émouvant, hein? Ah, vraiment. Je ris, mais c'est pas drôle. Là. C'est non. 5 ans de... J'ai suivi les... Félicitations, Matt, écoute. J'ai fait ça dans les règles de l'art. Ouais, très bien réalisé, écoute. Règles, t'avais compris le mot règles, Et on parle de pognon, fric, Bacon. Ouais, salade. Tomate, OK. Salade. Bacon, salade, tomate. Le BLT. BLT, écoute. BLT avec François Landry. Dans quelques minutes, on aura la chronique C'est un fait regular size, one size fits all edition. Edition? Edition. Edition. Le mot édition est très important. Dans ta face. White Horse. Devil's got a gun. Il a un gun, puis il s'en sable, il n'a pas peur de survivre. Puis il fait chaud. Il fait chaud parce que c'est l'enfer. Ouais, ouais, c'est okay, ça. Je viens de comprendre. J'aime ça, les palmarès, pour vrai, parce que, écoute, c'est bon, premièrement. Oui. La musique. Musique. Bon, ouais. La musique. Quand elle est là, Alexandra est merveilleuse. Oui. Et puis. Les chroniqueurs aussi. Oui, ouais, c'est Jacques Tardy, puis Justine Renaud. C'est vrai. Ouais. Les essais classiques d'assemblage requis sont très bons aussi. Aussi, tout à fait, tout à fait. C'est ça. C'est ça. C'est à peu près ça, ça fait le tour. On dirait que t'es trop. Oui, au trop. Ben, tu sais, on m'appelle pas le talon pour rien. Oh, shit. Et shit, hey, oh, ouais. Hein. Oh. Hey, attention, shit, là, faudrait la petite chanson de quand quelqu'un sac en ongle. On n'a pas de chanson pour ça. Devinez qui a pris son café ce matin. Le Doc Mayou. Ah, ouais. Hey, on l'invite. Viens voir François Landry. Et t'as mangé. Il dirait, t'as vu, il dirait. Ben, on ferait un concours de barbe. Par contre, là, ça, oui, j'embarque. Ah. S'il nous cherchait, il dirait. Mais you say qui est le studio, c'est fou. Mais you say. Mais you say. Non, elle est bonne. Elle est bonne. Elle est bonne, ça. Combien, ça? Ouf, un gros 5.9. Je te donne pas le 6. 5.9. Juste pour dire que. Radin! C'était les meilleurs moments de l'assemblage requis pour la semaine du 12 novembre 2012, Alexandra. Oui. Oui, tu confirmes c'était ça? Je confirme que c'était ça. Tu confirmes pas que c'était drôle, mais ça a eu lieu, en tout cas. Ça a eu lieu. Il y en a eu une coupe de bout drôle. Poupi. Une coupe. Hey, c'est pas fini, hein? Il nous reste d'autres instants classiques plus tard avec David Ferron, parce qu'on l'a mis dans son propre bloc. Director's Cut Edition. Exactement, avec commentaires du réalisateur par-dessus. Ça va être beau, là, des angles de caméra sophistiqués. Ça va être full budget. Mais avant ça, on va entendre un autre bloc de palmarès. Et dedans, il n'y aura pas Madame Moustache, malheureusement, qu'on saute en 15e avec Maison Mobile. Par contre, il va y avoir Hot Panda et Stars. On va débuter en 16e place franco. En 16e place franco avec Dumas et l'heure et l'endroit qui est stable. Stable, tel l'horizon. Tel l'horizon. Le ciel et le mer. Et voilà. Vous êtes au palmarès, c'est fou. Sur le 89.1. If living isn't hardwired, I see it in your eyes. Trouble and trouble. Alexandra a réussi à garder une partie de son croissant pour demain. Et moi, j'allais dire, parce que là, elle m'a interrompu, fait que j'ai pas dit ma blague, fait que je vais la dire en onde à la place, straight. À la place. Des fois, je la pratique en ronde. Mais, bon, mais oui. Ça. Mais j'allais dire, je me pose la question, est-ce que je croise en mon pouvoir? Est-ce que je croise en mon pouvoir? C'est pas bon. Non, je sais, c'est quelle fois. T'aurais dû la dire en onde. Oui. Pour la pratiquer, il a mâché un peu. Tel un croissant. Hein? Oh, oh my God. Oh mais my God. Avec tout ça, on a entendu Hot Panda avec Future Market, son numéro 15 anglophone. Avant ça, on a entendu en franco, enfin, on l'a pas entendu, Madame Moustache et Maison Mobile. Pourtant, en novembre, on a quasiment pas le choix de la jouer, celle de Madame Moustache. C'est ça, en fait, c'est comme ça va de soi. Ça descend de 3 places. Et juste avant, ben en fait, juste avant, on a entendu Stars avec Backline. Mm-hmm. Numéro 16, numéro 16. Et... stable, même chose pour Dumas, aussi stable. Et oui, c'est les deux numéros 16 stables. C'est quoi l'affaire, là? Il y a, c'est arrangé, ça. Je pense qu'il y a un complot. C'est arrangé avec le gars des entendus, comme on dit en radio, hein. En tout cas, comme je le dis, puis je vous offre ça, comme gratuitement. Non, c'est bon, c'est parce que ça peut pas être le gars des vues. Non, hein? Mais vues, entendues, ça fit, non? Oui. Donc, on va aller se créer d'autres moments. En fait, ils ont déjà été créés, ils sont maintenant mis en genre d'emballage cadeau exprès pour les fêtes. Là. Et aujourd'hui, on vous en donne deux de suite. Donc, voici encore un autre restant d'instant classique. Voici le reste des meilleurs moments de la semaine d'Assemblage Rocky pour la semaine du 12 septembre et cette édition spéciale Gustave La Fenêtre. Chroniqueur qu'on appelle Gustave de La Fenêtre. Bon matin. Bon matin, Gustave. Bien, bon matin. Je suis heureux de vous voir en chair et en os. Ça va bien? Bien oui, merci. Et vous, je suis très, très heureux de vous voir. Vous êtes très jolis, mes garçons. Merci, merci. On l'a reçu, Gustave, à La Fenêtre, il y a quelques semaines de ça. Par téléphone, par contre. Oui. On l'avait pas vu. Non, on savait pas qu'il y avait une aussi belle moustache, aussi luisante, je dirais. Oui. Vaseline dedans, quoi? Movember Power, c'est naturel, voyons. Voyons, voyons, voyons. Mais oui! David, qui était supposé de faire une chronique, ici, m'a dit... Tu sais, Gustave, j'adore macOS. Je me suis réconcilié avec macOS, alors je l'ai poignardé. Mais oui! What? Fan de Mac, attention, vous êtes en danger! Saute sur Mathieu! J'en ai un ici, attention! Mon iPhone 5! Je vais tous... Gustave! Gustave, qu'est-ce que tu fais ici? Attends, Gustave? Mais David, tu n'es pas mort, Gustave! Alors, je vais me battre contre toi, Gustave. Oh allez, allez. Non. Oui. Lâchez-vous. Non. Non. Ça dit le voler. Fight. Arrache-toi qui revient dessus. Non, David. Gustave. Non. Salut, les gars. Salut. David Perron. C'est qui, là? C'est Gustave? Ça va, les gars? Oui. Vous reconnaissez pas, les gars? Ben oui, Gus, on t'appelait. On est tous mêlés. Parce que, tu sais, il y a tout le temps Evil, moustache pour moustache. OK, attends un peu. Non, lequel il faut que je tire? Ah, okay. Lequel il faut que je tire, François? Lequel que je tire? Gustave, David! Gustave, David! Merci, les gars, de m'avoir débarrassé de Gustave. Bon. On n'entendra plus jamais parler de Windows 8. Non. Oh, boy. Alexandra? Je suis troublée présentement. C'est difficile, hein? Je ne comprends pas ce qui se passe. Et t'es chanceux, je t'ai pas mis le reste parce qu'il y avait un restant à ça à un moment donné où là, finalement, tu sais, c'est ça. Bon, j'ai tiré tout ça, mais on a déterminé qu'il continue de saigner en arrière, mais il n'est pas complètement mort. Donc, il y a une fenêtre à un retour dans un épisode futur. C'est genre Dr. Jekyll et Hyde, mais genre David Ferron et Gustave Lafleur. Je pense que c'est à peu près ça. C'est Jekyll et... Et Hyde, mais pas très caché parce qu'il est pas mal tout le temps là, t'sais. Ouais, ouais, c'est ça. Il se cache pas pantoute de ça. Il s'assume là-dedans, mettons. Director Scott. Freak! Mais on trouve ça très, très drôle, par contre. Ça devait être beau live. Oui, hein? On va se le dire, là, ça devait être assez puissant. C'est du théâtre. C'est ça. Voilà. Du théâtre radio. C'est un radio-roman. Un radio-roman amateur. Amateur. Et j'en suis très fan, en effet. Donc, retrouvez David Ferron tous les mardis dans Assemblage Rocky avec François-Louis Marchand et moi-même Mathieu Plante. C'est du lundi au jeudi, en fait, entre 7h et 9h. C'est l'émission au complet. Là. Mais David Ferron est le mardi à 8h30. Suivez ses péripéties. Lui et son... j'imagine, je sais pas, on n'a pas encore fait le test d'ADN, Peut-être dans un futur épisode. Evil Twin. Ou cousin. T'sais, des fois, il y a des cousins ressemblants. C'est pas juste comme dans Fight Club aussi, là. Ils se ressemblent, mais c'est pas... Mais non, mais t'as déjà écouté Fight Club? Non, je sais que la première règle de Fight Club est de ne pas parler de Fight Club, donc je sais pas si on devrait vraiment aborder le sujet. En tout cas, pour ceux qui ont vu Fight Club, c'est comme dans Fight Club. Fait qu'ils vont tout comprendre. OK! Bon, sinon, si vous l'avez pas vu, écoutez-le. C'est vraiment bon. Ouais. Je comprends pas pourquoi t'as pas vu ça. Je sais pas. Je suis une fille là, qui aime pas tant les films d'action, là, puis les films de où est-ce qu'il y a pas de roman d'amour. Là. Ouais. Puis j'aimais ça. OK. C'est noté. Je vais essayer ça. Ouais. On va retourner à notre palmarès. On n'a plus de meilleurs moments. Désolé, on a vraiment épuisé notre ressource de meilleurs moments. C'est pas une ressource. C'est une source renouvelable, mais une fois par semaine. Chaque semaine, c'est ça. Allons-y avec les positions numéro. En fait, on saute par-dessus les 14e. Du côté anglophone, on saute par-dessus Block Party avec Octopus qui descend de 4. Et du côté francophone, on saute dessus. On saute dessus. On saute par-dessus Chinatown avec Vivre les pieds nus. On est là en 13e place. Anglophone, tout à l'heure, il y aura Bed of Horses et Knock Knock qui montent de 5 places qui étaient nouvelles la semaine passée. Mais tout d'abord, on va aller écouter Noem avec Beltane au numéro 13 qui a fait une belle hausse puisqu'il était au numéro 19 la semaine dernière. Une belle hausse pour Beltane dont on se beltanera jamais? Ben, tabarouette. Tanarouette. Non. Tabarouette. Tabelouette. Tabelouette. Voilà, pour l'hiver. Tabelouette. C'est au palmarès, c'est fou. Cercle de bière, tout près du bosque des sorcières. Je veux revoir ton doux visage, tes yeux de parc, couleur d'orage. Laisse-moi te voir, la belle dame, écouter ta voix océane, murmurer des villes d'Irlande. Dans ta clairière de Poséidon. Dans la forêt où le fond me brame, tout près du lac de la Dame. Je veux dormir tout contre toi, avec un seul dol même pour toi. Laisse-moi aimer à la belle dame tous tes effluves qui émanent. Je t'écrirai une légende dans ta clairière de Poséidon. Viens réchauffer tes allumines, viens se braser de l'homme étoile. Des incantations de Talisiel breton. Reviens avec moi vers Wicca, faisons remettre les rites anciens. Changeons les messes en sabbat et le vivant comme des sylvains. Numéro 13. C'est ce qu'on appelle finir sur un long, long fade. La chanson a fini plus. Bella Versus et Knock Knock, ça monte de 5 places en 13e position anglophone. Et juste avant, on a entendu Noël avec Beltane au numéro 13 qui a monté de plusieurs places. Oui, en effet, je dirais même quelques. 6. 6 places. C'est ça? Oui, c'est exactement ça. C'était nouveau la semaine passée. 6 places! 6 places, puisqu'il est au numéro 19 la semaine prochaine. Donc, 13e place francophone. On a déterminé pendant la chanson, en essayant de se lancer des CD, là, que tu sais, si tu lances comme une fille, et si je lance comme une fille et que tu attrapes comme une fille, ça s'annule, puis on... Ça s'annule. C'est parfait, finalement. Ouais. Ça va ensemble. Il faut seulement un gars qui lance comme une fille et une fille qui attrape comme une fille. Mais ça se peut un gars... qui attrape comme une fille et une fille qui lance comme un gars. Oui. Oh là là. L'égalité des sexes et vive le mariage gay, là. Ben, c'est ça. C'est ça. Oh, d'ailleurs, je fais... D'ailleurs, en parlant de mariage gay, il y a une pub qui a été faite de College Humor par rapport au mariage gay. Okay. Elle est complètement hilarante. Ouais. C'est des gays, dans le fond, qui disent « Pour ceux qui sont contre le mariage gay, ben, si vous n'êtes pas pour, on va s'arranger pour sortir avec vos blondes. » Et là, ils donnent toutes les raisons pourquoi leur blonde choisirait vestimentaire, nourriture, etc. C'est ça. Eux autres, ils comprennent tout. En tout cas, allez voir ça. On va le mettre sur la page... d'assemblage requis. La page des palmarès, c'est fou. Des palmarès, c'est fou. Partout. Partout. Mais bref, c'est très, très bon. C'est ça, je vous dis, vous allez le voir. Parfait. C'est bon. Ça, allez sur facebook.com, chercher les palmarès, c'est fou. Yep. Ou assemblage requis. Ou les deux. Voilà. Au retour, Damien Robitaille, Grizzly Bear, The Darkness et Ariane Moffat. Restez là. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. C'est la deuxième heure des palmarès c'est fou pour la semaine du 12 au 18 novembre 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est Alexandra Carignan. Oui, Alexandra Carignan qui est vite sur le piton. Et j'étais dans la lune, mes amis. Oui, mais t'étais en train de mettre la vidéo. Ben oui, elle est là. Et c'est fait. C'est fait. Tu parles d'efficacité. On pourrait t'appeler Alexandra... Efficacité Carignan. Efficarignan. Effi comme dans Hunger Games. Effie? Ouais, c'est comme ça qu'elle s'appelle, celle qui s'occupe là, des jeunes. Mais ça se passe dans le futur, ils ont tous des noms de fuckés là-dedans. Hey! C'est, ben là, justement la fille qui s'appelle Hey! Non, il n'y a pas ça? Ben non, mais sinon, c'est des noms bien, bien. Tu sais, là. Dave! Tu n'as plus leur nom. Carole! J'avoue que Pita, c'est pas. On dirait Pita. Un pain Pita, mais. Wow, Bretzel! Ben, c'est T-A? Non, c'est P-E-E-T-A. Tabard. Ben, comme Pita, comme Pita Wilson dans Nikita et Croix du Puits dans le temps. C'est plein de même. Si tu le dis. Je te le dis. Donc, on était rendu pour position numéro 12. Oui, on était rendu là. Cela étant dit, du côté anglophone, il y aura Grizzly Bear et Yet Again qui est la nouvelle entrée semaine passée, mais qui monte de 3 places. Mais tout d'abord, ce sera le... J'essaie de trouver un... L'homme. Mais non, tu sais, le charismatique, je vais y aller même. Le charismatique, Damien Robitaille avec Omniprésent, qui a fait une petite descente puisqu'il est au numéro 11 la dernière semaine. Alors, il est au numéro 12. Je dirais le franco-ontarien. Ben oui, c'est lui. Plein de qualificatifs, ce gars-là. Quoi que c'est pas vraiment... Puis il a fait la compétition des chercheurs d'art qui était en Afrique du Sud cette année. Ah! Moi, je te le dis. Intéressant. C'est intéressant. Damien Robitaille, Omniprésent. OK. Au palmarès, c'est fou. Intéressant, mais inutile en même temps. Je suis partout, mais je ne suis pas là. Je suis partout, mais je ne suis pas là. Je suis partout, mais je ne suis pas là. Je suis partout, mais je ne suis pas là. La, la, la. Logique, je défie les lois de la physique. J'apparais simultanément dans plusieurs lieux et plusieurs événements comme un homme omniprésent. De tout bord, de tout côté, parfaitement éparpillé. Tous les décors, et bien dans tous les

C'était Grizzly Berry, Yet Again, qui monte de 3 places en 12e position anglophone. Et juste avant, on a entendu Damien Robitaille avec Omniprésent, numéro 12, et qui a fait une baisse de 1. J'aime ce bloc-là, moi. Oui, il était bon. Grizzly Berry, 2e pièce de l'album Shields, après Sleeping Youth, et vraiment, c'est gagnant. On va aller aux positions numéro 11 déjà. On va aller du côté anglophone entendre The Darkness avec Nothing's Gonna Stop Us et ça monte de 2 places. Mais tout d'abord, on va l'entendre Ariane Moffat avec Hôtel Amour au numéro 11 en hausse de 2. Et restez là parce que celle que vous aimez tous, DJ Catardi, s'en vient plus tard dans l'émission. Comme un lien. Ben, c'est pas de c'est un C'est comme la différence entre et Ben, c'est ça. Tout est dans l'intonation. C'est ça, du son. Buccal. Buccal? Wow. Non? Sinon, ce serait oral, mais... Bon, là, bon. OK. Buccal? Allons-y pour buccal. Well, well, well. Bocal. Comme un poisson? Elle se mord la langue tellement qu'elle est dégoûtée par mes pas blagues. Se partage, il fait la cour. Je pars pour Tokyo. Dans ma tête, il y a un passage, un vide confortable. Rolling a car, Mac, you're walking ahead.

teach me how to breathe. I'm no son or daughter. I'm nothing, just me. Leading me towards the fire. All I want are your lips, redder than rose hips, sleeping next to my desire. Show me what to live for and how to give more, because of you I believe. You and I can foam at the perfect moment, three-dimensionality. Dans le dos des auditeurs, là. Tu sois voyons en nom. Mais non, on parle pas dans le dos des auditeurs. Mais non, on aime nos palmiers, nos petits palmiers. Les auditeurs non, mais des palmarès. C'est des palmiers. Oui, c'est des palmiers. Mais c'est parce que c'est ça, tout est arrivé à une drôle d'époque. Oui, on s'est vraiment pas le fun comme tout. Pouvez-vous genre accorder votre instrument, s'il vous plaît? Non, c'est ça, tu as commencé l'émission, toi, alors que c'était la vie de croiseur d'assemblage requis. Donc, c'était des requins, évidemment. Assemblage requis, requins, on se comprend là-dessus. Mais au palmarès, c'est fou, c'est des palmiers. Et je crois qu'on l'a pas dit depuis le début de la session, donc ça vaut la peine de le dire une fois de temps en temps. Ouais, ben, je suis pas certaine de l'appellation de nos auditeurs. Moi, ben, je ferais un référendum là-dessus. Ben, c'est comme les auditeurs du boudoir. Tu les appellerais comment? Des boudeux? Des boudins? Des boudins? Non, mais c'est des milord and miladies. Oui, ben, c'est un petit peu trop différent. Il n'y a pas comme de jeu de mots de syllabes, tu sais, comme. Ben, c'est les ladies du boudoir. On a une thématique victorienne. Là, oui. Là, si tu la comprends pas. Vous la prenez là, au sérieux pas mal, c'est bien. On la prend très au sérieux. Ouais. Nous, c'est n'importe quoi, mais on prend ça au sérieux. Palmier, requin. Bon. On avait les auditeurs de l'émission C'était fou, qui n'existe plus, mais quand même, c'était fou. Ils s'appelaient les... C'était devine, c'est un animal, devine. Les... Tu vas l'avoir, ça. C'était fou, des cétacés. Des cétacés. Mais voyons! Ça existe pas, ça? C'est quoi ben ça, oui, des cétacés, des petits... comme des crustacés, des cétacés. OK. Mais... Je ne serais pas là-dessus. OK, laisse-moi. On saute par-dessus les 9e places du côté anglophone. On saute par-dessus Smoke and Jackal avec Fall Around qui monte de 3 places. Et du côté francophone, on saute par-dessus Tremblay et Marie Plastique. Je suis toute triste. Peut-être à la fin de l'émission. Peut-être, si on a du temps. Ou pas. Ou pas, Gundam Star! Non, pas ici. Ça, c'est pas accepté. 8e position en anglophone, il y aura The Gas Anthem et Henry Tune qui monte une place. Et du côté francophone, on va aller entendre le magnifique Peter Peter avec Carousel. Le palmarès, c'est fou! Yep! Dans vos oreilles! Lorsqu'arrive la rue Saint-Laurent, où s'échouent la plupart de tes rêves, où galopent tes meutes de chimères, je prendrai ta chanson préférée pour savoir comment te consoler. Tu tournes dans ma tête comme un carrousel qui ne s'arrête jamais, ne t'arrête jamais. Tu tournes dans ma tête comme un carrousel. Être malade me plaît. Chasseront tout ce qui te tourmente. Tu tournes dans ma tête comme un carrousel qui ne s'arrête jamais, ne t'arrête jamais. Tu tournes dans ma tête comme un carrousel. Être malade me plaît. Tu tournes dans ma tête comme un carrousel qui ne s'arrête jamais, ne t'arrête jamais. Tu tournes dans ma tête comme un carrousel. C'est assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Numéro 8. Oh. trembles from heart to limb to pen. Hamilton par The Gaslight Anthem, ça monte d'une place en huitième position anglophone. Et juste avant, on a entendu Peter Peter avec Carousel. Mais en fait, ouais. c'est pas vrai. Parce qu'on a débuté avec Peter Peter Carousel. En effet, entre les deux, il y a eu une pièce qu'on devait sauter. C'est Fall Around de Smoke and Jackal. Que voulez-vous? Une pièce de moins de sauter veut dire qu'on va dépasser d'une pièce, donc on va couper l'autre chose. C'est triste parce que j'aimerais faire un sport qu'on fasse jouer trembler. Ouais, c'est ça, mais on peut. Non, peut-être pas. En fait, je penserais pas. On verra. Ouais. Seul l'avenir nous le dira. C'est ça, c'est ça. Position numéro 7 maintenant, du côté anglophone, Metric avec Breathing Underwater. Ça descend de 4 places. 4, 5, 6, 7, 4, 5, 4, 5, 6, c'est ça. 4 places. C'est ça. Ouais. Mais on va aller entendre tout d'abord la descente du coude avec Instinct Domestique en hausse de... Non, en baisse d'une position. Rien de mes maths. Oh là là. Oh là là. C'est pas mal, c'est fou. L'émission qui est mauvaise en maths, mais qui s'assume. Ouais. Bye. 6. Et la pièce « Dis-moi » qui monte de la 20e position, donc vraiment un saut de 14 places pour une nouvelle entrée de la semaine passée. Et juste avant, on a entendu la descente du coude avec ouais. Instinct domestique. C'est ça. Et il y avait quoi aussi? Metric, Breathing Underwater, je crois, là-dedans quelque part. On n'écoutait pas parce que DJ vient d'arriver et ses chroniques s'en vient. On blâme DJ Catardi, c'est pas fin. Ben, c'est pas de sa faute, là, c'est la mienne. Mais elle va être là tantôt avec sa chronique musicale. On aura aussi la musique de Bernard Alamus, Colin Moore et Hannah Georges, ainsi que des CD à faire tirer de Hannah Georges. Oh là là! Oh là là, caliente! Reste là! Vous êtes assez fou? Pour l'écouter, c'est fou 89 ans. Da-da-da-da-da-da-da-da. troisième et dernière heure des Palmarès C'est fou pour la semaine du 12 au 18 novembre 2012. Elle s'appelle Alexandra Carignan. Et il s'appelle Mathieu Plante. Non. J'ai pas fait une suite comme la tienne. Ben, c'est Carignan, ça fait comme Tarzan un petit peu quand tu dis, tu sais, Carignan. Ben, non. Non. Okay. Non, Mathieu. C'est peut-être juste moi. Attends. Oui. Bon, sans plus attendre et perdre de temps avec des choses qui n'ont pas rapport comme Mathieu Plante, ça résume ma vie. Voici la chronique de DJ de Catardi. Bonjour Mathieu, bonjour. Salut. Jane. Jane? Oui. Hey, Sandra Jane Carignan. Oui. C'est beau, non? Ben oui. Ça. Ah, correct, pas l'air sûr. Mais non, j'aime beaucoup le personnage de Jane dans Tarzan. Bon, ben voilà. C'est un compliment. Ben oui. Digit, bienvenue. Et puis, de quoi tu nous parles cette semaine? Cette semaine, je vous parle d'un groupe qui se nomme Wild Bell. OK. C'est un duo frère-sœur et c'est des gens de Chicago. Aux États-Unis. Mm-hmm. Donc, c'est un peu indie, mais vraiment in plus deep folk. Dish, comme in deep dish. Chicago indie? pizza Chicago style, deep dish pizza. Ah. Avec la grosse croûte, non? You got it. Non, mais d'habitude, Chicago est reconnu pour ses sons plus house. Puis, ouais. Mais là, elle a resté... Dans le fond, c'est un duo frère-sœur, comme j'ai dit. Donc, la fille a resté à New York un moment et elle dit qu'elle a la mauvaise habitude de changer de place lorsque ses histoires d'amour vont mal. OK. Donc, elle est retournée à Chicago avec son frère avec qui elle avait déjà fait de la musique. Puis ça donne un très, très bon résultat. C'est vraiment un peu 70s. Moi, j'aime beaucoup. En fait, les deux chansons que je vous ai présentées là, je les affectionne particulièrement aussi à cause du vidéo. Donc, vous irez regarder ça un peu si vous avez le temps. Wild Bell, c'est comme la belle qui est wild. Sauvage, mettons. Sauvage, comme exactement. Jane. Oui, c'est ça. Ouais. Ou slash Alexandre. Ou comme dans Cendrillon, tu sais. Ouais. Belle. Belle. Belle. Mmh. Oui, la belle et la bête. Donc, non, pas Cendrillon. Mon Dieu, je me mêle avec mes princesses. Je suis dans le champ, solide. Non, mais tu sais, c'est un peu loin. Oui, excusez-moi. Oui. Ton enfance, là, ta jeune enfance. Donc, on va y aller tout de suite avec la première chanson, Mathieu. Ouais. Tu peux nous éliminer. J'aime tellement entendre ta voix. Merci, tu veux m'éliminer, mais t'aimes ma voix. Je veux dire. Non, je veux que tu nous illumines. Oh. On écoute. Coming back, same song again and again. You wrong me twice and I keep coming back. Tell me what the matter is, little man. I've got a pretty face and I wear a nice dress. Tell me what the matter is, little man. I've got a pretty face and I wear a nice dress. très bon, ça. T'as aimé ça? Oui, j'adore. Je suis contente. Donc, t'as eu une super belle observation plus tôt, dans le fond. Tu trouvais que ça ressemblait un peu à Lana Del Rey? Ben, Alexandra m'a aidé dans la comparaison, mais oui, en effet. Ouais. Oui, oui, absolument. Ben, vous avez raison. Vous avez raison. Et maintenant que je me penche sur la question, je suis complètement d'accord. Et ça tombe bien parce que j'adore Lana Del Rey de toute façon. Tu nous en avais déjà parlé dans ta chronique. Oui, absolument, absolument. Je suis une grosse fan. Ouais. Puis, dans le fond, c'est ça. Dans le fond, Wild Bill, duo frère-sœur, c'est Natalie Bergman puis Elliot. Donc, les deux se sont retrouvés après quelques années de séparation, mais ils ont toujours fait un peu de musique ensemble, comme je disais plus tôt. Puis lui, dans le fond, Elliot, c'est un peu lui qui s'occupe plus du côté instrumental du groupe. Puis c'est un multi-instrumentaliste qui a fait partie notamment de l'ensemble Afro-Jazz Nomo. C'est pour ça le petit genre de reggae tonton qu'on entendait. Absolument, oui. Il est beaucoup aussi dans les percussions africaines, ces choses-là. C'est bon. Puis il fait un peu de reggae, ska, rock ska, rock steady, un peu à l'ancienne. Je fais un-hun comme je fais de quoi tu parles. Mais dans le fond, c'est ça, ils ont plusieurs influences. Puis entre autres, les tonalités un peu plus africaines, si on veut. Notamment reggae. Donc la première chanson qu'on a écoutée... Keep You, en passant. Était un peu plus d'influence reggae. Le vidéo est très intéressant, mais celui qui est encore plus intéressant, c'est Wild Bill. La prochaine chanson, c'est It's Too Late. Mm-hmm. Moi, j'adore. Donc, on écoute ça à l'instant. Dans la collègue de DJ de Catardi, au palmarès, c'est fou. Et ça, ben, c'est au 89 FM. Hein? Exact. D'accord avec ça? Oui. C'était ce qui conclut notre découverte musicale de la semaine, Wild Bill. C'est pas exactement nouveau, mais c'est pas vieux non plus. Ça fait à peine quelques mois que c'est sorti. Donc, J'espère que vous avez apprécié et on se dit à dans deux semaines. Oui, à dans deux semaines, t'es en rotation avec Justine Renaud, comme toujours. Donc, Justine qui était pas là la dernière fois, ni l'autre avant, mais qui reste quand même dans la rotation. C'est juste qu'on la perd à chaque fois parce qu'elle est pas là. Fait les culbutes. Oui. Ça fait un bout qu'elle a pas été là. C'est plate. Triste. Rien à dire, hein, c'est ça. Ben, qu'est-ce que tu veux, hein? La vie étudiante et la gestion de la GE demande beaucoup de temps. Exactement, c'est compliqué. Non, là, tu te mêles encore en Jasmine et Justine, par contre. Ah, ben là, je suis pas au courant des faits et gestes de Jasmine. Pourquoi je pensais qu'elle était dans la GE aussi? Jasmine, oui, mais pas Justine, qui est celle avec laquelle tu es en alternance. Mais je pense que tu fais semblant, parce que moi, j'ai jamais vu Justine et DJ dans la même pièce depuis un maudit bout. Fait que je pense que c'est devenu la même personne, toi et elle. Mais non, mais j'y mélange pas. J'étais juste comme convaincue encore une fois que c'était avec elle que je faisais un tweet. Mais je mélange pas les personnes, ça, par exemple, je peux l'assurer. OK. Donc, sa face, c'est qui, mais tu mets pas le bon nom, puis c'est pas le bon rôle dans la vie, c'est ça? Non, non, j'avais juste. Comme... Je comprends plus rien. Laisse donc faire, bye, hein? J'étais juste sûr que c'était l'autre. Ouais, ouais. Je suis sûr. Fait que c'est ça. Bye. Ouais, ouais. Bye. Bonne soirée au Carlito, j'imagine? Oui, oui, oui. Fait que vous irez regarder ça si vous avez aimé Wild Bell, très It's bon. Too Late et. Keep You. Keep You. Les deux vidéos à aller voir sur Internet. Exact. Merci. Merci, DJ Catardi. À bientôt. À bientôt. On retourne au palmarès. On retourne aux positions numéro 5, en fait. Du côté anglophone, il y aura Colin Moore et Long Road. Mais du côté francophone, on va aller écouter Bernard Adamus avec Arrange-toi avec ça au numéro 5. C'est des palmarès, c'est fou. Hein, qu'on lance de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. J'ai rentré dans mon temps. J'en avais encore du temps. Par contre, j'aurais pu parler moins lent. Moins vite. Pas grave. Il y a du monde qui te vole, d'autres t'en doivent. Tu m'en sais de même, cours après le sand. Pis d'autres t'as bien la peine qu'ils servent. J'ai pour mon dire que les poches bien pleines. Quand ils regardent pas, ils vident les tiennes. Du monde dans le trou, mais d'autres dans le chemin. N'a que d'autres, t'es l'autre qui se plaint. N'a que d'autres, t'es l'autre qui se plaint. Deux, trois becs plates, avant d'y aller. Pis ben du courage pendant le souper. À toutes les soirs, il est 22h. Pis y'a du monde qui a que passe à l'air ailleurs. Des gars bien croches qui roulent la portante. T'as du monde bien drette, ça coupe des flanches. Y'a le 9 à 5. Excessus quand tu te crossiens. Fais ex-que-tu quand tu n'as pas. On est gros, puis on est là, puis on mange. Mais tu galois. Moi, je préfère la Mont-Royal, j'ai qu'un aimé. Ça, ça me parle. Surtout quand il fait beau. Avec le jet du pire, puis much better when I take the line.

C'était Hannah Georges et Robotic qui montent d'une place en quatrième angle. Ouais. Et juste avant, on a entendu le vieux master de Timing Boba. Ouais, exact. Je pose une grande question. On a entendu, voilà, numéro 4 qui a fait une belle hausse de une position. On a aussi entendu les positions numéro 5. En anglo, c'était Colin Moore et Long Road. Et en franco, c'était Bernard Adamus avec Arrange toi avec ça, avec une descente de 3. Oh. Dans quelques minutes, Gros Méné et White Horse. Mais avant ça, on va faire un petit tour de ce qui se passe dans les palmarès. Parce que là. Moi, je sais, on a des groupies au palmarès et à assemblage, oui. C'est ça. On en a plein. Et là, les groupies sont convaincus, je sais pas où ils ont pris ça, mais que les palmarès, c'est fou, c'était seulement un top 20 franco et un top 20 anglo. Mais non. Non, pourtant, elles sont groupies, elles devraient le savoir. C'est aussi un top 30 des albums, un top 30 des disques canadiens, un top 10 électronique et un top 10 loud. Allons-y avec le top 30 des albums. Je vais faire les nouvelles entrées, mettons. OK. Revo de Walk the Earth est en 30e place. En 29e, c'est Young Rival avec Stay Young. Et finalement, en 19e place, c'est Run with the Kittens avec Letter from Camp. Alors, je vais y aller avec le top 5, en fait. Ouais. Donc, au numéro 5, on a Colin Moore avec Art of the Storm. Au numéro 4, Anna Georges avec Anna Georges. Numéro 3, c'est White Horse avec The Faith of the World Depends On. Trois petits points. Viscis, je crois. Ça, je me rappelle bien. Pas sûr. Au numéro 2, on a East Road avec October Road. Et au numéro 1, on a Bat for Lashes avec The Hunted Men. Oui, top 3 du canadien maintenant. En troisième, c'est Anna Georges qu'on vient d'entendre avec son album homonyme. En deuxième, c'est Stable White Horse avec The Fate of the World. Et en première place, c'est East Road, encore une fois avec October Road qui monte de 3 places. Et top 10 électronique, c'est Stable encore une fois. Là, ça change jamais cette affaire-là. How Job en troisième avec New World March. The Remixes en deuxième, Rispa de The Invisible. Et en première, Blue Foundation, 17e semaine de présence. Il se passe absolument rien à l'électronique. Et pour ce qui est du top loud, on a un petit mouvement, en fait. Au numéro 3 du loud, on a Bison BC avec Lovelessness. Au numéro 2, nouvelle entrée de Sword de Apocryphon. Et au numéro 1, on a Epic Cloud de Devin Townsend. C'est quoi, c'était Tars de Suplipton, je pense. Tars de Suplipton. Apocryphon. On sait pas, on saura jamais. Je vais finir par le dire. Attends. Apocryphon. Voilà. C'est ça. Tout à fait. Apocryphon. Tu dis très bien. On a aussi une nouvelle entrée en quatrième place, Graveyard, avec Lights Out. Voilà pour ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. On avait promis de le faire, on le fait pour une fois. T'sais, on le promet tout le temps, on le fait jamais. Ça. Mais là, on l'a déjà fait. Ouais, on le fait. C'était dur avec nous, là. C'était un petit peu dur. Alors, on va l'entendre les positions troisième. Les positions troisième. Les positions troisième. Qu'on appelle. Du côté anglophone, il y aura White Horse avec Devil's Got a Gun, l'ancien numéro 1. Mais du côté francophone, on a Gros Méné avec Venus, qui était l'ancien numéro 1 francophone. Ce qui veut dire que cette semaine, nous avons une nouvelle position, numéro 1. Ne plus être surpris. Donc, c'est Gros Méné avec Venus. Au palmarès, c'est fou. Hein? Condenser la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. Hein? Oui. Désolé pour le gars qui anime après moi, Mathieu Roy. Nurse to the moon. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Numéro 3. Cette pièce a de nombreux fans et c'était le numéro 1 de la semaine passée. White Horse avec Devil's Got a Gun, maintenant en troisième place anglophone. Et juste avant, on a entendu Gros Méné avec Venus, qui était aussi le numéro 1 de la semaine dernière. Donc une petite drop de deux places. Un gros Méné, t'es gros main! Gros Méné d'ailleurs, qui sera en spectacle à l'affût ce vendredi. OK. Ça vaut la peine. T'as dit quoi? OK. Non, mais OK, quand même. Mais là, qu'est-ce que je dis? Super! Okay. Comme ça a pas rapport, ça leur fout le rapport. Non, c'est cool. Les billets sont en vente à la barrique. Vous pouvez vous les procurer. C'est seulement 20$. Ça vaut la peine. Et en plus, à l'affût, il y a de la maudite bonne bière. Oui, dont la maudite, non? Je sais pas, non? Non, la non? maudite, c'est pas là. Roux, ça a pas okay. rapport. Donc, vendredi 16 novembre à l'affût. Ouais. Exactement. Il nous reste encore les positions 2 et 1. On va se dépêcher d'entendre les deuxièmes tout de suite. Du côté anglophone, East Road, formation de Shawinigan avec October Road qui monte de 2 places. Mais du côté francophone, on va aller écouter Yann Perrault avec Acrobat de l'éternité. Une hausse de 2 places aussi. Fais tes petits culbutes en sifflant, c'est dur de souffler en faisant des... C'est pas évident. Ben nous, c'est difficile de siffler en général. Toi. On va laisser ça à Yann Perrault. Ouais. Île de musique, naufragée chez toi. Je suis en état d'un péché démentiel.

make sense, no. To waste your time waiting. When you're longing to arrive, where you're going. October road. A Sunday evening, we finally made it, my friend. We were caught by a friendly policeman. Sunday evening, finally made it, my friend. The ocean breeze now fills the eastern air. Now we arrive to the east coast. We're on a ferry to Magdalen Island. October Road, pour son numéro 2, ça monte de deux places en anglophone. Et pour ce qui est du francophone, on a écouté juste avant ça Yann Perrault avec Acrobate de l'éternité qui était au numéro 2, une hausse de 2. Excellent, excellent bloc. Il nous reste seulement les positions numéro 1. Et position numéro 1, ben, ça veut dire par processus de. C'est la tradition de. Tu sais, les traditions, des fois. C'est ça, on les continue, même si elles sont pas bonnes, les traditions dans la vie. C'est au Québec, là. Oui. C'est pas ça qu'on fait. Oh, ouais, c'est comme quel ça. Jugement sur la société québécoise. En effet, et je m'assume. Je suis un petit peu tout le temps sur les mêmes sujets dans la vie de tous les jours. C'est des sujets sur lesquels je chiale. Je dirais que c'est comme des notes de musique, tu sais, dans la vie. J'utilise tout le temps les mêmes sujets, tu sais. Tu sais, religion, ces affaires-là, tu sais. Un peu comme on utilise tout le temps les mêmes accords dans une chanson, peut-être. Tu sais. Ou les mêmes, on a tendance à faire quand on fait du gym, mettons, tout le temps les mêmes exercices, tu sais. Hein? Hein? Ouais. Bon, c'est ça. Alors, vous aurez deviné que le numéro 1, francophone, et les trois accords avec la chanson Exercice. C'était pas tant des jeux de mots plus que utiliser les mots dans des phrases. J'aurais bien aimé ça, te voir utiliser J'aime ta grand-mère, ah, qui ben est le ça. Titre de l'album. C'est ce que je lui disais d'ailleurs hier. J'aime au ta lit, grand-mère. Au lit. Non, au lit. Non, ça, je l'ai pas. Non. Non, ben, ta grand-mère, c'est ce que j'aime parce que j'imagine qu'elle est riche, tu sais. Donc, j'utilise pour son argent un peu, pour tout son art. C'est tellement wrong. Tout son art, c'est très, très wrong. C'est un peu comme les zoophiles qui tripent sur les chauves-souris à cils. Okay. Des chauves-souris à cils, pas à sourcils, à cils. Tu sais, chauves-souris pour cils, bad for lashes, tu comprends? Bad for lashes. Oh my God, OK. Bad for lashes. OK. C'est drôle, hein? C'est... Colin, je me sens comme persécuté et mais hanté non, mais... par le fantôme de mes mauvais mots. The Haunted Man, c'est le nom de l'album. Bon. Elle est quand même bonne. Pas pire, hein? Oui, celle-là, je peux t'adonner. Fait que c'est quoi le numéro anglophone, non? Numéro anglophone, c'est du groupe Bad for Lashes, All Your Gold. On débute avec les trois accords, voici exercice. Tout on vient après. Sur ce banc, nous est interdit. Il est fait. Pour ce qu'il est, regarde vu d'ici. Ce trottoir fut conçu spécifiquement pour en a qui ne font pas d'exercice. Oh, je rêve d'être une seule fois avec toi, sans avoir mal aux pieds. Oh, j'envie tous les enfants, banana, qui ne font pas d'exercice. Oh, je rêve d'être une seule fois avec toi, sans avoir mal aux pieds. Et en première position. C'était les positions numéro 1 en anglophone, Bad for Lashes avec All Your Gold, qui monte directement de la 17e place, donc 16 positions vers le haut. Et du côté francophone, le nouveau numéro 1 était les 3 accords avec Exercice, une belle remontée de 14 positions. Wow. Félicitations à tous ces deux beaux jeunes gens, groupes et tout. On se retrouve la semaine prochaine, jeudi, entre 15h et 18h. Après nous, c'est Mathieu Roy avec Soirée au coin du feu. Ça commence à 18h. On repasse le vendredi entre 17h et 20h. C'est là pour Skypunka. Et lundi, entre 14h et 17h. À 18h, ce sera Le Boudoir avec Alexandra. Oui, ça, c'est moi. Qui est bonne, cette émission-là. Puis la fille, puis tout ça. Là. Puis l'autre aussi, l'autre fille. Mélissa. Mélibou. Méliboum-boum. Boum-boum-boum-boum-boum-pow. Méliboum-boum-boum. Donc, restez là pour ça. Et puis, allez voir sur site.ca pour la programmation complète, sur assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion. On se quitte avec une pièce qu'on a sautée tantôt en début d'émission. C'est Tremblay avec son extrait Marie Plastique. C'est en 9e place. C'est à toi que j'ai dit ça. Ben oui, je l'adore Tremblay. D'ailleurs, c'est à ma demande qu'on la passe. Hey, on exauce vos souhaits toutes les semaines. Hein? Puis, bonne semaine. Bye. Bye, Alex. Bye. Bye, Mathieu. Bye. OK, bye. On a compris. Bye, Mathieu. Franchement. Bye, les auditeurs. Les palmiers qu'on appelle. Oh. Les petits palmiers, ils sont petits de même. Ça, vous appelez les palmiers. Des branches. Mais pas des branches, des feuilles. Feuilles. Puis un tronc. Un gros tronc. Oui, un très gros tronc. OK, bye. Dans ton make-up, t'en mets du temps, mais t'es pas plus hot. T'es plus quelqu'un, t'es rendu quelque chose. Tu te regardes avec les yeux des autres. Des filles comme ça, y'en a toutes les sortes. Des beautés gâchées sur Photoshop. Qu'est-ce que tu prouves, à qui tu veux le prouver? Est-ce que tu trouves ou tu fais rien que chercher? Marie plastique, Marie plastique. Drop ton fer plat, tu travailles trop pour plaire. Moi t'as l'air plate, laisse donc tes cheveux se défaire. Marie, t'es belle, pose ton sourire avant que ton visage se déchire. Marie plastique, Marie plastique. Enlève son ton, ça te va bien, les seins gênés derrière. Mon t-shirt sali, fini du temps que j'habitais chez ma mère. Tu peux rester tranquille, as-tu vu de quoi te l'air? Marie plastique, je m'en fous que tu t'habilles en Chanel, en Versace, Gucci, Jean-Paul Gaultier. Tu vaux bien plus que de la ficelle. Marie plastique, enlève son don, ça te va bien, les seins gênés derrière. Mon t-shirt sali, fini du temps que j'habitais chez ma mère. Tu peux rester tranquille, as-tu vu de quoi t'as l'air?